c'est toi que j'ai choisi. L'amour est sans frontières. Julie, au Gabon, Julie, l'amour est sans frontières. Julie, l'amour est sans frontières.